venu sur la terre par le chemin de tous les hommes, mais comme jamais homme ne vint, un vrai prodige du Dieu vivant. Oh, la gloire s'est répandue et la lumière venue du ciel a éclairé les hommes et chassé les ténèbres de la terre. Et le compteur du temps a été remis à zéro, comme pour dire avant le jour, il n'y a pas de soleil. Oh, le temps s'est humilié devant celui qui l'a institué. Jésus est l'incarnation de l'éternité dans le temps, il est éternel. Le germe qui dans la vie est sorti d'une terre aride pour faire de nos déserts un torrent qui jaillit. Le sauveur venu d'en haut pour amener les rachetés au ciel. Jésus est la vérité qui fait de nous les vrais adorateurs. Il est l'absolu. Jésus est l'arche de la nouvelle alliance qui prend à bord les rachetés du monde, qui vogue au-dessus des eaux de la condamnation. Oh, le rocher de ma vie. Il vit dans mon cœur et fait briller ma vie de sa lumière, et sa gloire est mon partage. Sa joie dans mon cœur me remplit de sa force. Je vis comme un vainqueur et je proclame sa victoire. Je contemplerai la bonté de mon roi qui règne sur mon pays, que sa lumière nous éclaire. Il vit dans mon cœur et fait briller ma vie de sa lumière, et sa gloire est mon partage. Sa joie dans mon cœur me remplit de sa force. Je vis comme un vainqueur et je proclame sa victoire.